n'est vraiment pas le profil d'une âme vagabonde, ni celui d'un homme touché par la grâce. J'ai trouvé de la lumière dans les catacombes, et ma vérité s'éveille dans mes paragraphes. On envoie des vies qui s'estompent, comme si nos mains n'étaient bonnes qu'à fleurir des tombes. Je sais que le cancer peut me prendre par les poumons. Je suis né poussière et j'y retournerai comme tout le monde. Ce n'est pas mon histoire qui fera les gros titres. J'ai passé ma jeunesse à me tromper de fautifs. Le tourment, j'en connais les moindres méandres. J'entame une longue marche au bord du néant. Même les ondes nous réclament et nous applaudissent, car nous sommes tous les ignorés d'Aphrodite. Y'a rien de pire que de marcher sans connaître son but, voir sa destinée se changer en promesses rompues. Cette vie n'est peut-être pas faite pour moi. La loi du plus faible sera toujours la plus sournoise. Nos espoirs ont flirté avec le sordide. Nous sommes le sang impur chanté par tous les sportifs. Cette saloperie me répugne. Je serai peut-être un paria, mais j'ai le mérite d'avoir une vraie plume. Qu'importe les routes qu'ils me feront prendre, je finis en pleine partie d'échecs sur un no man's land. Ce vécu n'offre pas de dédommagement. Pour nous, ce morceau n'est qu'un no man's land. Cette guerre n'est pas orchestrée par un candidat, et dans nos cœurs, le climat est d'humeur scandinave. Je peux pas jurer que ce monde soit idéal. Je n'ai peut-être pas lu Victor Hugo, mais j'y reconnais quand je croise un misérable. La réalité nous crèvera ou nous rendra invalides. Les cimetières sont pleins d'hommes qui se croyaient infaillibles. Incertain d'arriver aux cieux, envers cette chaîne de vie, mon art se révèle irrévérencieux. L'enfer est ici-bas, normal de n'y voir que du feu. La haine en personne me sollicita. Quoi que je fasse, mon écriture est triste, puisque l'orgueil s'est greffé à nos discords. Les bons moments, je suis habitué à ne plus les vivre, prédestiné à brûler vif comme Johnny Storm. Les appels à l'aide sont inaudibles. Trace ma route, qu'importe ce qu'il advienne. Je ferai peut-être face au comte de l'ironie, comme un héroïnomane qui n'aurait pas de veine. Les coups de pute, je les compte par centaines. Je mène mon périple en solitaire à la Kwai Shanken. De courte durée furent mes rêves, comme l'impression d'être fakir à faire les 100 pas sur des braises. À vouloir déclarer ma flamme, je n'ai récolté que des cendres. L'amour n'est plus, désormais je ferai 100. Mon avenir, je l'entrevois sans être devin. Je dessine à l'encre noire ce cauchemar que j'essaye de vaincre. Virtuose, je ne suis qu'un de ces rappeurs sans prestige. Je n'excelle pas dans les sons festifs. Écrit depuis l'âge ingrat, je chante ma peine avant que la mort ne me raye de son agenda. Ce vécu n'offre pas de dédommagement. Pour nous, ce morceau n'est qu'un no man's land. Cette guerre n'est pas orchestrée par un candidat, et dans nos cœurs, le climat est d'humeur scandinave. Je peux pas jurer que ce monde soit idéal. Je n'ai peut-être pas lu Victor Hugo, mais j'y reconnais quand je croise un misérable. La réalité nous crèvera ou nous rendra invalides. Sont pleins d'hommes qui se croyaient infaillibles. Ce vécu n'offre pas de dédommagement. Pour nous, ce morceau n'est qu'un no man's land. Cette guerre n'est pas orchestrée par un candidat, et dans nos cœurs, le climat est d'humeur scandinave. Je peux pas jurer que ce monde soit idéal. Je n'ai peut-être pas lu Victor Hugo, mais j'y reconnais quand je croise un misérable. La réalité nous crèvera ou nous rendra invalides. Les cimetières sont pleins d'hommes qui se croyaient infaillibles.